Judex d'Arthur Bernhead, chapitre 5e. Jacqueline. Coquentin, qui s'était empressé de quitter le château en emportant les deux lettres de Judex, était rentré chez lui, littéralement affolé. « Pour mes débuts, se disait-il, en voilà une histoire. Que dire, que faire, je ne sais plus, moi, c'est effrayant, j'en suis malade. » Le fait est qu'il y avait de quoi bouleverser un homme qui, 3 semaines auparavant, menait une vie des plus joyeuses en même temps que des plus banales, et que rien d'ailleurs ne prédisposait au métier de détective. En effet, jusqu'à l'âge de 40 ans, Coquentin avait vécu d'une rente assez rondelette que lui faisait son oncle, le sieur Ribaudet, fondateur-directeur de l'agence Eléritas. Il avait partagé son existence entre deux passions, les femmes et Napoléon. Il va de soi que la première lui avait coûté infiniment plus cher que la seconde. L'héritage Ribaudet était venu fort à propos pour le tirer d'embarras. Mais l'oncle ayant exigé par testament que son neveu lui succéda effectivement dans ses fonctions, Prosper Coquentin avait été forcé, presque à son corps défendant, de prendre du jour au lendemain la direction de l'agence. Et voilà que, pour sa première affaire, il tombait sur le drame le plus déconcertant et le plus redoutable que l'on pût imaginer. « Si j'allais, se disait-il, raconter tout à la police, à la grande, à la vraie, à la seule qui devrait exister. » Mais au moment de sortir, il se ravisa. « Voyez-vous qu'à la préfecture, on me prenne pour le complice de Judex, ou pour Judex lui-même. Le mieux pour moi est de garder le silence sur cette ténébreuse affaire. C'est dit, je me tairai. » Il crut avoir retrouvé le calme et la paix, mais pas du tout. Pendant 2 jours, il lutta contre la hantise de Judex. Pendant 2 nuits, il ne cessa d'être en proie aux cauchemars les plus terrifiants. Afin d'échapper à cette obsession, Coquentin se préparait à déchirer en tout petits morceaux les 2 lettres auxquelles commençait à trouver une sorte de parfum diabolique lorsqu'il songea. Favreau avait une fille. Ai-je le droit de la laisser dans l'ignorance des circonstances si troublantes qui ont précédé la mort de son père? Fort perplexe, car c'était un très honnête garçon, il continuait à contempler les 2 messages lorsqu'il releva la tête. Lentement, son regard se dirigea vers le buste de Napoléon placé sur le haut d'un cartonnier, et le détective, malgré lui, se demanda « Qu'eût-il fait à ma place ?» La réponse ne se fit pas longtemps attendre. Coquentin venait d'avoir l'impression que la voix du maître vibrait à ses oreilles, lui lançant impérieusement cet ordre « Préviens la famille !» Le directeur de l'agence Eléritas n'avait plus qu'à obéir. Quelques heures après, il arrivait au château des Sablons et faisait prier Madame Aubry de bien vouloir lui accorder un entretien confidentiel au sujet d'une affaire très grave et très urgente. Bien que Jacqueline, qui venait d'assister à l'enterrement de son père, fût toute brisée de chagrin et d'émotion, elle consentit à recevoir le détective qui, après s'être incliné respectueusement devant elle, attaqua. « Madame, je vous demande pardon de venir vous troubler dans votre peine, mais, en possession d'un secret de famille qui vous intéresse tout particulièrement, j'ai compris que je n'avais pas le droit de garder le silence. » Puis, avec la plus complète franchise, le successeur de Ribaudet raconta à Madame Aubry la démarche que le banquier avait faite à son agence, ainsi que tous les événements qui l'avaient précédé et suivi. Et lui remettant les 2 lettres de Judex à l'appui de ses dires, il conclut, satisfait de lui et la conscience en repos, « Maintenant, madame, que j'ai fait tout mon devoir, il ne me reste plus qu'à vous adresser, avec tous mes regrets, l'hommage de mon profond respect. » Jacqueline, qui avait lu les 2 messages, s'écrit avec l'accent de l'indignation la plus vive, « Ces lettres sont une infamie et préludent sans doute à quelque chantage. « Madame, protesta Coquentin, avec l'accent de la plus vive sincérité, je vous jure que je suis tout à fait incapable, monsieur. » interrompit la fille du banquier, je ne vous accuse nullement. Je vous remercie, au contraire, de votre si parfaite loyauté. Mais vous comprendrez que je sois bouleversé à la pensée que la mémoire de mon père puisse être un instant suspectée. Aussi, je tiens moi tout à éclaircir cette affaire. Vous avez raison, madame. Et si j'ai besoin de vos services, vous pourrez entièrement compter sur moi, promit le directeur de l'agence Eléritas, qui se retira, après avoir salué Madame Aubry jusqu'à terre. Demeurée seule, Jacqueline relut d'abord la 1ère sommation. Non content de ruiner et de déshonorer les gens, il faut encore que vous les assassiniez. je vous donne l'ordre, pour expier vos crimes, de verser la moitié de votre fortune à l'assistance publique. Vous avez jusqu'à demain soir, 10 heures, pour vous exécuter. Judex. » Puis ce fut l'autre véritable glas d'avertissement suprême. Si avant 10 heures, vous n'avez pas versé à l'assistance publique la moitié de votre fortune mal acquise, ensuite, il sera trop tard, vous serez impitoyablement châtié. Judex. » Et la jeune femme, envahie par une terreur indicible, songeait que c'était précisément lorsque 10 heures sonnaient à l'horloge de la salle à manger que le banquier était tombé foudroyé. « Plus de doute, » s'écria-t-elle en un sanglot déchirant. « Mon père a été victime d'un complot tramé dans l'ombre. Mon père a été assassiné. » Jacqueline, qui jusqu'à ce jour n'avait jamais soupçonné l'intégrité du financier, traitant, comme tant d'autres, de mensonges odieux et de calomnies stupides, les rares et vagues accusations qu'elle avait entendues çà et là portées contre lui, se demanda, avec un sentiment de sourde terreur, si ces rumeurs ne reposaient pas sur un fond de vérité. Aussitôt elle se révolta contre elle-même. Mon père, un voleur, un assassin. Certes, il aimait l'argent, il était à Proguin, et impitoyable envers ceux qui se jetaient en travers de ses projets. Mais de là, commettre des crimes aussi épouvantables, non, non, c'est impossible. Père, père chéri, pardonne-moi d'avoir pu effleurer ta mémoire d'un pareil soupçon. Tout en s'efforçant de redevenir maîtresse d'elle-même, Jacqueline sonna un domestique. « Bon temps, » interrogea-t-elle. « Monsieur le marquis de La Rochefontaine a-t-il quitté le château ?»« Oui, madame. Il est parti pour Paris en auto il y a environ un quart d'heure. »« Alors dites à Monsieur Vallière que je désire lui parler. » Quelques instants après, le secrétaire de Favreau se présentait devant Jacqueline. Pâle, silencieuse, la fille du banquier le considéra d'un de ses longs et profonds regards qui expriment « Êtes-vous vraiment un ami ?» L'expression de bonté sincère et même attendrie qui se lisait sur les traits de Vallière la rassura aussitôt, car tout de suite elle fit sur un ton plein d'énergie « Monsieur Vallière, mon père avait pour vous beaucoup d'estime. La veille de sa mort, il me disait encore combien il était reconnaissant à son ami William Simpson de New York de vous avoir adressé à lui. » Comme Vallière s'inclinait d'un air grave, ému, Jacqueline continua « Je sais donc que l'on peut avoir entièrement confiance en vous. » Et lui tendant les deux lettres de Judex, elle ajouta « Voici ce qu'un agent d'affaires vient de m'apporter. Lisez. » « Monsieur Favreau m'avait mis au courant, » répliqua le secrétaire en reconnaissant les deux messages. « Ah, vous saviez. Oui, madame. Et je dois ajouter que monsieur votre père n'avait prêté à ces lettres qu'une très médiocre importance. Et pourtant, » s'écria Jacqueline, « il a succombé juste à l'heure indiquée par elle. » « C'est exact. Voilà pourquoi je ne puis rester dans une aussi terrible incertitude. Je vous demanderai donc de m'accompagner à la préfecture de police. » Vallière, considérant Jacqueline d'un air de douloureuse sympathie, reprenait. « Voulez-vous, madame, me permettre de vous donner un respectueux conseil? Je vous en prie. N'allez pas à la préfecture. Pourquoi? Ne me forcez pas à préciser. » « Au contraire, » reprenait Jacqueline, « je veux tout savoir. » Contentez-vous de pleurer votre père, sans chercher à savoir ce que fut son passé. Son passé ? Fit Jacqueline en un cri de terrible angoisse. Son passé ? Les accusations contenues dans ces lettres seraient donc vraies ? Alors pourquoi déjà m'avoir caché l'existence de ces deux messages ? Oui, pourquoi ces réticences et tout ce mystère ? Monsieur Vallière, au nom du ciel, parlez ! Madame, hésitait encore le secrétaire tout tremblant d'émotion. « Vous ne voyez donc pas que vous me torturez affreusement ?» s'écria Jacqueline en éclatant en sanglots. « Oh, je vous en supplie, dites-moi que mon père est innocent. Au nom de mon fils, je vous en conjure, affirmez-moi, jurez-moi qu'il n'y a pas un mot de vrai dans cette histoire. » Tout en inclinant tristement le front, Vallière articula d'une voix dans laquelle il y avait des larmes. « Hélas, madame, c'est la vérité. »